Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel, qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis les nuits du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez en secret des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné, vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. C'est-à-dire jusqu'à ce que se distingue la fin de la nuit, la fin de la nuit du fajr de l'aube. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est-à-dire que le jeûne doit être fait du fajr jusqu'au maghrib. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils atteignent la piété. Ou ainsi ils atteindront, afin qu'ils atteignent la piété. Ces versets sont les versets du jeûne. Il nous faut les lire, les méditer et les étudier. Et il est bon de lire dans les exégèses du Coran, comme le tafsir d'Ibn Sa'di ou le tafsir d'Ibn Kathir, par exemple, rahimahumullah. Nous sommes donc entrés dans un mois béni, dans un mois rempli de bienfaits. Il nous faut savoir que le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur ses serviteurs est immense. Et de par sa grande grâce et sa miséricorde, il nous a facilité tout au long de l'année, ou dans plusieurs moments de l'année, des moments où la récompense est décuplée. Des moments où la miséricorde est plus intense sur les serviteurs. Des moments où on nous encourage à faire plus de bonnes actions. Des moments où on efface les fautes, où on pardonne les péchés, où on multiplie les récompenses, où descend les miséricordes d'Allah sur les serviteurs. Et le meilleur de l'ensemble de ces moments-là est le mois de Ramadan, au sujet duquel Allah dit dans le Baqarah, dans Sourate Al-Baqarah, Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel le Qur'an a été révélé. Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Une guidée pour les gens. Le Coran, c'est une guidée pour les gens. On jeûne le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, certains savants ont dit car c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. C'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Par reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, pour remercier Allah de ce bienfait incommensurable. Le meilleur livre qui a été révélé sur le meilleur des prophètes, dans le meilleur des mois, dans la meilleure des langues, par l'intermédiaire du meilleur ange. Dans le meilleur endroit, Mecca, sur le meilleur des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute, c'est un bienfait qu'on ne pourra jamais estimer à sa juste valeur. Donc c'est un mois très noble, un mois béni, une occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à grands pas et de s'élever dans les degrés du paradis. C'est un mois béni où il y a beaucoup de bénédictions et de biens. C'est le mois du jeûne. Allah Azza wa Jal nous a légiféré, ordonné le jeûne de ce mois-là. Et en a fait un pilier de l'islam. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit « Bunya l'islam ala khams ». L'islam repose sur cinq. « Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakah wa hajjil bayti wa sawmi ramadhan ». L'imam al-Bukhari, l'imam muslim nous rapporte ce hadith. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'islam repose sur cinq. Attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. C'est-à-dire adorer Allah seul sans jamais rien lui associer, sans faire de shirk. Reconnaître que seul Allah mérite l'adoration et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est vain. Et adorer vainement et injustement. Car Allah est la vérité, le seul maître, le seul créateur. Et tout ce qu'ils adorent en dehors de lui est le faux et créature. On doit reconnaître que Mohammed est le messager d'Allah. C'est un serviteur, on ne l'adore pas, mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas. On le suit, on lui obéit. Et on adore Allah qu'à la manière dont il nous l'a enseigné. Le deuxième pilier de l'islam est l'accomplissement de la prière. l'accomplissement de la prière. Il n'y a pas de jeûne pour celui qui ne prie pas. Il n'y a pas d'islam sans prière. C'est un pilier. Ça maintient l'édifice. Ça maintient l'édifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la limite entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse aura mécru. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Donc, il faut préserver cette prière. Il faut l'accomplir comme il le faut. Celui qui ne sait pas prier, il se rapproche de gens ayant la connaissance et demande avec humilité, « Apprends-moi la prière, je veux adorer mon Seigneur, je veux rentrer au paradis, je veux être sauvé de l'enfer. Apprends-moi la prière. » S'il ne commence pas la prière dans le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il va commencer? S'il ne corrige pas sa prière et ne prie pas à l'heure dans le mois de Ramadan, quand est-ce qu'il le fera? Donc il faut préserver cette salate. Il faut faire cette prière-là. Si on accorde de l'importance au jeûne du mois de Ramadan, et cela est fait à juste titre, à plus forte raison, nous devons accorder de l'importance à la prière, qui est le deuxième pilier de l'islam. « Wa aqimus salata wa atu zakat » et accomplissez la prière, et acquittez-vous de la zakat, comme Allah nous l'ordonne dans le Coran. Il y a le jeûne du mois de Ramadan. C'est donc un pilier de l'islam, et par la suite, le pèlerinage à la maison sacrée. Donc on doit accorder la plus haute importance à ce mois. On doit le jeûner. C'est le mois de la révélation du Coran, c'est le mois de la lecture du Coran. C'est le mois de la générosité, c'est le mois du pardon, de l'expiation des péchés. Donc c'est un mois où on doit beaucoup se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois de la bienfaisance, il faut faire beaucoup de sadaqat, s'enquérir de la situation des pauvres parmi nous, des gens dans le besoin parmi nous, afin de les aider autant que possible. Ainsi, ce mois sera un mois béni pour l'ensemble, pour les riches comme pour les pauvres. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, annoncer la bonne nouvelle de l'entrée du mois de Ramadan à ses compagnons, afin qu'ils se réjouissent et qu'ils ne rendent pas ce mois, qu'ils ne fassent pas de ce mois un mois banal, et qu'ils n'agissent pas dans ce mois comme ils le font dans les autres mois. Non, le prophète alayhi salat wa salam immensifiait ce mois et leur montrait la grande valeur de ce mois, le caractère béni de ce mois, de la première nuit hier au Maghrib jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour, le 29e ou le 30e, selon la vision de la lune. Donc on doit accorder la plus grande importance à ce mois. Et ça, c'est une des clés de la réussite du jeûne du mois de Ramadan. C'est immensifier ce mois. Reconnaître qu'il est particulier, qu'il est rempli de bénédictions. Donc il ne faut rien rater de ce mois. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur annonçait la bonne nouvelle. Et ils redoublaient d'efforts dans l'adoration et eux-mêmes, il le faisait également et il les encourageait dans cela. Il préservait les obligations, puis ajoutait des actions recommandées dans la prière, dans les sadaqat, dans la bienfaisance, dans l'endurance, dans le fait de remplir le temps du jeûne par la lecture du Coran, l'invocation d'Allah et al-dhikr, et remplissait les nuits de Ramadan par la prière, par la demande de pardon. Donc, il remplissait ce temps-là par les bonnes actions, par le remerciement d'Allah, la reconnaissance, par le fait de dire Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar, les quatre paroles préférées d'Allah. Le soleil ne s'est pas levé sur meilleure parole que cela. Il n'y a pas plus aimé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces quatre paroles-là. Et la lecture du Coran, la meilleure parole. Pour chaque lettre, tu as 10 récompenses. Chaque lettre, tu as 10 récompenses et Allah multiplie et accorde. Et c'est le détenteur de l'énorme grâce. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Hada Ramadan, qad jaa, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul nar, wa tusalsalu fihi shayatin. » Voici le mois de Ramadan qui vous est venu. Durant celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées, et les démons enchaînés. Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallam a également dit, comme l'ont rapporté l'imam Tirmidhi ibn Majah, « Iza kana awwalu laylatin min shahr Ramadan, suffidat al-shayatin, wa maradat al-jann, aw al-jinn, wa ghulliqat abwabu al-nar, falam yuftah minha bab, wa futihat abwabu al-jannah, falam yughlaq minha bab, وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une fois la première nuit de Ramadan arrivée, les démons sont enchaînés et les plus dangereux parmi les djinns. Les portes de l'enfer fermées, on n'en ouvre aucune. Les portes du paradis sont ouvertes, on n'en ferme aucune. Et un héros appelle, ô toi qui recherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, rebrousse chemin. Et Allah a, chaque nuit du mois de Ramadan, des affranchis de l'enfer. Des affranchis de l'enfer. Allahu Akbar, lorsque tu entends ce hadith, le mois de Ramadan entièrement est béni. Ça n'est pas que les 10 dernières nuits. Ça n'est pas que la fin. Ça n'est pas que le milieu. L'entièreté du mois, de la première minute de l'apparition de la lune jusqu'à la prochaine, ce mois-là est béni. La première nuit, dès la première nuit, c'est-à-dire hier au Maghrib. Certains, par exemple, ont fait leur programme à partir du Fajr. Ceci est une excellente chose. Mais le mieux, c'est de le faire à partir du Maghrib. Hier, c'était le mieux de le faire à partir du Maghrib. Hier. Na'am. Concernant ce mois. Donc, les shayatines sont enchaînés. Ainsi, ils n'arrivent pas à nous faire ce qu'ils nous faisaient faire en dehors du mois de Ramadan. Ils ont moins d'emprise. Ils ont moins de capacité, de facilité à égarer le fils de Adam. Les portes de l'enfer sont fermées parce qu'il y a peu de péchés, parce que les croyants sont dirigés vers l'adoration d'Allah. Ils recherchent sa bénédiction, car les croyants reviennent à Allah, se repentent, délaissent les péchés, cherchent à se réformer. Et les portes du paradis sont ouvertes pour nous encourager, parce que c'est le moment de la miséricorde d'Allah, parce que c'est le moment où les croyants font beaucoup de bonnes actions. Et on appelle, ô toi qui fais le bien, avance, ô toi qui fais le mal, rebrouche chemin. Ainsi les gens se diviseront en deux dans le mois de Ramadan. Celui qui recherche le bien, l'agrément d'Allah, son pardon, l'acceptation de ses actes, et dans l'au-delà, le paradis et son agrément. Et celui qui recherche le mal, qui n'a que faire que soit Ramadan ou autre, il reste dans ses passions et ses péchés. Il ne cherche pas à se réformer. Donc il nous faut considérer le mois de Ramadan. Il nous faut faire des efforts durant le mois de Ramadan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a décrit le mois de Ramadan comme étant béni. Dans lequel l'imam Ahmed Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم رمضان شهر مبارك. Abu Hurayra nous dit, lorsque le mois de Ramadan est arrivé, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, Ramadan vous est venu, c'est un mois béni. C'est un mois béni. Iftarad Allahu alaykum siyamahu. Allah vous a rendu obligatoire son jeûne. Tuftahu fi abwabul jannah. Durant celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Et durant celui-ci, les portes de la fournaise sont fermées. Wa tughallu fihi ash-shayatin. Et les démons sont enchaînés. فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. Qui est meilleure que mille mois. Celui qui en sera privé aura certes été le privé par excellence. Celui qui ratera Laylatul Qadr, celui qui n'agira pas durant Laylatul Qadr, voici celui qui aura réellement perdu. Sachant que mille mois est l'équivalent de plus de 83 années. De plus de 83 années. 83 ans. Et on ne dit pas que ça équivaut à 83 ans ou 84. Mais on nous dit, c'est meilleur que cela, c'est meilleur que 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que c'est un mois béni. C'est réellement un mois béni. Chacun de ses instants sont bénis. Son début est béni, son milieu est béni, sa fin est béni. Ses journées sont bénies. Ses nuits sont bénies. C'est béni de par la grâce qu'Allah Azza wa Jal y a mis. C'est béni du fait qu'Allah a révélé le Coran durant ce mois. C'est béni de par la multitude de récompenses qu'Allah accorde, la multitude de bénédictions qu'Allah accorde. C'est béni par rapport aux actions des croyants dans celui-ci. C'est béni parce qu'il y a la nuit de Laylatul Qadr, la nuit de la grande valeur ou de la destinée, qui est meilleure que 1000 mois. C'est béni parce que les démons sont enchaînés, les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées. C'est béni parce que les musulmans se réunissent, s'unissent, et ça c'est un but recherché dans l'islam. Il y a l'union des musulmans sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est béni parce qu'Allah affranchit des gens de l'enfer. Et pour beaucoup d'autres bienfaits encore. De grands mérites sont venus, et particulièrement pour deux grandes actions. La première, c'est le jeûne. La deuxième, la prière de nuit. On doit se concentrer principalement sur ces deux actions. Le jeûne du mois de Ramadan et la prière de nuit dans le mois de Ramadan. Abu Huraira nous dit, comme c'est rapporté dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir. Avec foi, c'est-à-dire quant au caractère légiféré et obligatoire du mois de Ramadan. Avec espoir, c'est-à-dire qu'il espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et celui qui prie la nuit de Laylat al-Qadr avec foi et espoir, avec foi et espoir. Il sait que c'est légiféré. Il suit la sunna lorsqu'il fait cela. Il reconnaît sa grande valeur, la grande récompense qu'il y a. Il espère tout cela. Celui qui prie la nuit del qadr, de la grande valeur de la destinée, avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Allahu Akbar. Ô combien est vaste la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ô combien est grande sa générosité. Ainsi, il nous faut redoubler d'efforts et rechercher cela chaque jour. Chaque jour, parfaire son jeûne pour espérer qu'Allah nous pardonne nos péchés passés. Chaque jour, prier ce qu'Allah nous facilite de la prière de nuit pour espérer se voir pardonner ses péchés passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, toujours dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie la nuit de Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Que dire alors si le serviteur ajoute à cela un repentir sincère de tous ses péchés? Sans aucun doute, Allah lui effacera tous ses péchés, ses grands péchés et ses petits péchés. Ses grands péchés et ses petits péchés. Que dire alors s'il cherche toute personne qu'il a pu opprimer et s'excuse auprès d'elle? Sans aucun doute, il arrivera le jour dernier et il n'aura pas de dette, pas d'injustice. Il aura une noble station auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, fait partie de la grande perte. Et certes, fait partie de l'égarement que de se priver de tous ses bienfaits qu'on a entendues et bien d'autres encore à venir, incha'Allah ta'ala. Quelle grande perte! Qu'Allah Azza wa Jal honore son serviteur en lui faisant attendre le mois de Ramadan. Puis ce dernier ne recherche pas les grâces d'Allah, ne recherche pas le pardon d'Allah, ne corrige pas son tawhid, ne corrige pas sa prière, ne corrige pas son jeûne, ne sort pas sa zakat. Il ne délaisse pas les péchés, il ne cherche pas à s'améliorer, il ne cherche pas à se corriger, à être bon, à purifier son cœur, son âme. Non. Mais il voit de lui qu'il est déjà parfait, ou il voit de lui qu'il est bien, ou il voit de lui que c'est un moi comme un autre. Ou il voit de lui qu'il n'a pas été créé pour l'adoration, mais il cherche à jouir des plaisirs de ce bas monde, sans se soucier du licite et de l'illicite. Il passe ce mois sans chercher à revenir vers Allah, sans demander pardon pour ses péchés, sans se repentir. Il délaisse ces moments bénis, ces nobles jours, ces jours où on revient vers Allah Azza wa Jal. Il les abandonne pour en faire un mois de nourriture, pour en faire un mois où il ordonne à son épouse de rester dans la cuisine du matin au soir, pour en faire un mois où il goûtera tous les repas qui lui passent par la tête, pour en faire un mois où il passera la nuit à s'amuser avec ses camarades, subhanallah, ou en faire un mois où il découvrira les nouveaux feuilletons, les nouveaux films que les ennemis de l'islam mettent durant le mois de Ramadan pour nous détourner d'Allah, pour nous détourner de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, mais ne réalise cela que les gens doués d'intelligence. Ne sois pas de ceux qui vont être privés dans le mois de Ramadan, qui ne vont pas revenir à Allah dans le mois de Ramadan. C'est une occasion bénie, une occasion, et je n'ose même pas dire en or, car ça serait réduire le niveau de cette occasion de reprendre notre lien avec Allah Azza wa Jal. De reprendre notre lien avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de reprendre notre lien avec notre propre personne. Et la mettre sur le chemin qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas de ceux qui vont entrer dans ce mois et en sortir en n'ayant que la faim et la soif comme rétribution. Ne soyons pas de ceux qui seront restés dans leur péché dans le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite deux hadiths qui nous font peur. L'imam al-Tabarani, rahimahullah ta'ala, dans son Mu'jam, nous dit le hadith de Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, atani Jibril wa alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril m'est venu, faqala ya Muhammad, il m'a dit au Muhammad, man adraka ahada waliday famat, fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Quiconque aura atteint l'un de ses deux parents, puis meurt, et par la suite entre au paradis, qu'Allah l'éloigne, ou bien il a certes été éloigné d'Allah, c'est-à-dire en enfer. La personne qu'Allah Azza wa Jal, à qui Allah Azza wa Jal a accordé ses parents, c'est une personne à qui Allah Azza wa Jal a ouvert grandement une porte vers le paradis. Car la bienfaisance envers les paradis, c'est le paradis. La bienfaisance envers les parents, c'est le paradis. Et si il te reste un de tes parents, ben sache que c'est comme si tu avais deux portes ouvertes vers le paradis et qu'on t'en a fermé une, on t'en a laissé une. Subhanallah. C'est une occasion pour entrer au paradis. Tu t'occupes de tes parents. Tu es bienfaisant envers tes parents. Tu dépenses pour tes parents. Tu es doux et affectueux envers tes parents. Tu embrasses tes parents. Tu te mets au service de tes parents. Tu es humble devant tes parents. Tu leur achètes ce qu'ils aiment. Tu dépenses pour eux. Tu masses les pieds de tes parents. Naam. Tu essayes de faire ce qui amène l'agrément de tes parents. Tu aimes tes parents. Tu t'enquéris de leurs besoins. Tu prends des informations. Tu prends des nouvelles de tes parents. Wahakada. Si malgré la présence de cette grande porte ouverte vers le paradis, la personne finit en enfer, Allah l'a éloigné. Dis Amin, قل Amin, فقلت Amin. Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, dit au meilleur des prophètes, dis Amin. Le prophète a dit Amin. قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. Ô Mohammed, quiconque aura atteint le mois de Ramadan, puis sera mort, sans qu'Allah lui pardonne, ou sans avoir été pardonné, puis entre en enfer, Allah l'a certes éloigné. Yani, le mois de Ramadan, c'est une occasion pour se voir pardonner ses péchés. Une occasion pour entrer au paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis ouvertes. On nous appelle au bien. Il y a des affranchis de l'enfer chaque jour ou chaque nuit. Et lui, il finit malgré tout. En enfer, Allah l'a éloigné. Allah l'a éloigné. Voici le privé. Voici le perdant. Voici le ruiné. Dis Amin. Fakultu Amin. Le prophète m'a dit Amin. Qu'il en soit ainsi. Amin, ça veut dire, ou Allah exauce cela, fasse qu'il en soit ainsi. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمن ذكرت قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. La troisième chose, lorsque tu seras mentionné auprès d'une personne et qu'il ne priera pas sur toi, il ne dira pas Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne dira pas sallallahu alayhi wa sallam, puis mourra, entrera en enfer, que Mada, Allah l'aura éloigné. Dis Amin, j'ai dit Amin. Donc, celui qui est le grand perdant de cette course, à l'agrément d'Allah, au pardon d'Allah, au paradis d'Allah, à la grande récompense, c'est celui qui aura atteint le mois de Ramadan et qui n'aura pas réussi à être pardonné. Dans le recueil d'Imam al-Tirmidhi, le prophète sallam nous dit, comme Abu Huraira nous dit, « Raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayhi. » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبار فلم يدخلاه الجنة. Que le nez de la personne soit traîné dans la poussière. Qui est-il? Celui auprès duquel j'aurais été mentionné qui ne priera pas sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit mis dans la poussière, celui qui aura atteint le mois de Ramadan. Puis ce dernier sera sorti sans qu'il se soit vu pardonner ses péchés. Le mois de Ramadan arrive, le mois de Ramadan sort et lui ne s'est pas vu pardonner ses péchés. Que son nez soit dans la poussière. Et que le nez de celui qui a atteint ses parents en âge avancé, puis n'entrera pas au paradis, qu'il soit également dans la poussière. Tout cela nous montre quoi, chers frères? Que le mois de Ramadan, il ne s'agit pas de s'abstenir de boire et de manger. Mais il faut œuvrer. Il faut œuvrer. Il faut se repentir. Il faut agir. Il faut faire des aumônes. Il faut préserver son jeûne. Il faut prier la nuit. C'est un mois où il y a un grand butin à obtenir. C'est un mois où il faut faire des efforts. Les pieux prédécesseurs se faisaient un programme dans le mois de Ramadan. Ils ne faisaient pas du mois de Ramadan comme ils faisaient les autres mois. Ils ne considéraient pas le mois de Ramadan comme ils considéraient les autres mois. Sauf l'imam Zuhri, rahimahullah ta'ala, disait « Ida dakhala Ramadan, innama huwa tilawatul Qur'an wa ta'amut ta'am. » Voici son programme. L'imam Zuhri, rahimahullah, se faisait un programme. Il disait « Lorsque le mois de Ramadan entre, ça n'est que la lecture du Qur'an et le fait de nourrir des pauvres. Ou nourrir des gens. » Voici un programme. Voici un programme des efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le jeûne et les prières de nuit. Il ajoute à cela ici la lecture du Coran et le fait de faire des sadaqat. Le fait de faire des sadaqat. On doit se réjouir de ce mois. On doit considérer ce mois. C'est la clé de la réussite. C'est le mois du Coran. C'est le mois du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Yunus, le verset 58. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَّالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire, de par cet islam, de par cette guide à l'islam, De par la révélation du Coran, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser comme richesse mondaine. Donc on se réjouit du mois de Ramadan, de l'entrée du mois de Ramadan. On remercie Allah Azza wa Jal pour le mois de Ramadan. On remercie Allah Azza wa Jal pour ce mois de bénédiction. Pour ce mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées. Il faut réellement considérer ce mois et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits. Pour ses nombreux bienfaits. Et les compagnons, Mahda conseillait la communauté. Il disait à la communauté de ne pas faire du mois de Ramadan ce qu'ils faisaient des autres mois. Il a été mentionné que Jabir radiallahu anhu disait إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثام أو المآثم ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تعجل يوم فطرك ويوم ولا تجعل عفوا ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. Zakarahu ibn Abi Shayba fil Musannaf. Jabir radiallahu anhu disait, lorsque tu jeûnes, que ton oui jeûne également, que ta vue jeûne également, que ta langue jeûne également, c'est-à-dire se retienne de tout mensonge et de tout péché, et délaisse et n'importune pas le servant. Et sois bien envers les gens, même ceux qui sont sous ton autorité. Et qu'on voit de toi la quiétude. Qu'on voit de toi la quiétude et la sérénité lorsque tu es dans un jour de jeûne. Et ne fais pas des jours où tu ne jeûnes pas et ne rends pas les jours où tu ne jeûnes pas semblables aux jours dans lesquels tu jeûnes. Dans lesquels tu jeûnes. Pour finir, beaucoup de nos frères et sœurs ont des interrogations sur des points importants du jeûne. La première, c'est concernant l'intention. Concernant l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam yubayyit an-niyyata min al-layl fala sawma lah. » Celui qui ne met pas l'intention durant la nuit n'a pas de jeûne. C'est-à-dire que pour commencer le jeûne du mois de Ramadan, donc hier, après le Maghrib, avant le Fajr, il fallait mettre l'intention que dès l'aube, nous allons entamer un jour de jeûne. L'intention ne se prononce pas avec la langue. Dire l'intention avec la langue, c'est une innovation. Mais l'intention, c'est le fait que le cœur se dise « je vais jeûner », tout simplement. Par exemple, tu as mangé avant le Fajr, ça prouve que tu avais l'intention. Tu t'es préparé. Ça prouve que tu avais l'intention. Tu es parti acheter des dates. Ça prouve que tu avais l'intention. Et ainsi de suite. L'intention, c'est le simple fait de se dire que je vais jeûner. Qu'en est-il de la femme qui avait ses menstrues, qui se sont interrompues? Si l'écoulement et la sécheresse est arrivée avant le Fajr, même une minute avant le Fajr, c'est-à-dire qu'elle est purifiée, elle n'a plus ses menstrues, elle met l'intention de jeûner, même si elle se lave plus tard. Même si elle se lave plus tard. Donc, elle met l'intention, elle essaye de manger quelque chose s'il y a encore le temps. D'accord ? Et par la suite, elle se lave pour faire la prière du Fajr. Par la suite, elle se lave pour faire la prière du Fajr. Et selon l'heure à laquelle s'est arrêté ses menstrues, à voir est-ce qu'elle doit faire la prière du Isha ou pas. Donc, la femme qui peut entamer ce jour de jeûne n'est que la femme qui a eu l'interruption de ses menstrues ou de ses lochis avant le Fajr, même si c'est une minute avant le Fajr. Quant à celle qui aura l'interruption après le Fajr, comme il a été dit, celui qui avait la permission de faire des choses au début de la journée, a la permission de les faire jusqu'au soir. Donc si elle est purifiée dans la journée, elle n'est pas en jour de jeûne pour elle, donc elle poursuit sa journée comme elle l'a commencé, si ce n'est qu'elle va se laver et prier, si ce n'est qu'elle va se laver et prier, et elle devra rattraper ce jour de jeûne. Elle devra rattraper ce jour de jeûne. Elle aura un an avant le ramadan de l'année suivante pour le faire, sauf si elle a une excuse qui l'empêche de faire cela, comme la maladie, l'allaitement, la grossesse. Alors elle le rattrapera quand elle le pourra. Elle n'a pas à nourrir de pauvres. Elle n'a pas à nourrir de pauvres. Concernant la femme enceinte et la femme qui allaite, certaines veulent jeûner. Est-ce qu'elles peuvent jeûner? Oui, elles peuvent jeûner. C'est une bonne chose. Mais si elles n'arrivent pas à jeûner, c'est trop difficile pour elles, ou si ça diminue l'arrivée de lait et elle n'a pas assez de lait pour nourrir son enfant, ou si ça lui est trop difficile, et ainsi de suite. Donc si ça lui est difficile de manière générale, ça lui nuit à sa personne, à elle ou à l'enfant, alors elle ne jeûne pas. Alors elle ne jeûne pas. Qu'elle soit enceinte ou bien qu'elle allaite, ou les deux, elle ne jeûne pas. Et à la place, si elle le souhaite, elle pourra rattraper ses jours. Et dans le cas contraire, elle pourra se contenter de nourrir un pauvre par jour non jeûné. Elle pourra se contenter de nourrir un pauvre par jour non jeûné, comme le disait Abdullah ibn Abbas. Ainsi, elle rompt le jeûne, et à la place, elle nourrit un pauvre par jour non jeûné, sans le rattraper. Ça, c'est ce que disait Abdullah ibn Abbas, et parmi les contemporains, c'est l'avis de Sheikh al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Et c'est un des avis qui est le plus fort, si ce n'est le plus fort, du fait que c'est la parole d'un compagnon. Radiallahu anhuma. Par contre, prenez en considération ce point très important. C'est que celle qui pourra nourrir un pauvre et ne pas le rattraper est celle qui ne sera pas indisposée à ce moment-là. C'est-à-dire, elle n'a pas de menstruée, elle n'a pas de lochée. Quant à celle qui a des menstruées et des lochées, elle n'a d'autre solution si ce n'est de le rattraper quand elle le pourra. Donc, si elle est enceinte, allaite, si elle allaite ou est enceinte, mais qu'elle a ses lochées, elle ne peut pas nourrir de pauvre à la place. Elle est obligée de noter ses jours et de le rattraper quand elle le pourra. Même si elle emmagasine plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'elle retombe enceinte, parce qu'elle allaite, et ainsi de suite. Quand elle le pourra, même si dans 5 ans, elle rattrapera ses jours. Elle rattrapera ses jours. Elle n'aura que cela à faire. Beaucoup de ceux qui n'ont pas l'habitude de prier chez eux se demandent comment prier à la maison. Est-ce qu'il peut prier avec sa mère? Est-ce qu'il peut prier avec sa sœur? Est-ce qu'il peut prier avec son épouse? Est-ce qu'il peut prier avec ses enfants? Sans aucun doute, ils peuvent le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà fait des prières de nuit chez lui, accompagné des gens de sa famille. Le tarawih se fait entre, donc après l'Isha, on prie les deux rak'a, la sunna, de rak'a ratiba après l'Isha, puis on commence salat al-tarawih, qui est la prière de nuit. Donc, l'homme se mettra devant, celui qui dirige la prière se mettra devant, ensuite les garçons se mettront derrière lui, ensuite les femmes se mettront derrière les garçons. S'il prie que avec son épouse, il se met devant, elle se met derrière. S'il prie que avec son fils ou son frère ou son père, celui qui dirige se met à gauche et celui et l'autre se met à sa droite. Il ne se met pas un peu derrière lui, non, il se met à côté de lui sur la même ligne. Et s'il n'y a que des femmes, alors elle prie, si ce n'est que la femme ne se met pas devant comme l'imam, elle se met au milieu ou sur le côté. Et si la mère prie avec l'enfant, et que l'enfant ne sait pas diriger la prière, il ne connaît pas encore la Fatiha, et ainsi de suite, alors il se met à côté d'elle, et celle qui dirige la prière. Qu'est-ce qu'il faut réciter pour Salat et Tarawih? comme ce que vous récitez de manière habituelle. C'est-à-dire, on dit Allahu Akbar, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, dua al-istiftah si on connaît, puis al-fatiha, puis ce qu'Allah nous facilite du Coran. On peut faire salat al-tarawih juste avec Qul huwallahu ahad. On peut rajouter, on récite ce qu'on peut. Et celui qui veut prendre le mushaf pour lire le Coran, pour réciter plus longuement, il le peut également. Il le peut également. Mais il devra le poser pour bien faire la prosternation. Naam, à ce moment-là, il mettra à côté de sa tête lors de la prosternation, il mettra quelque chose pour poser le mushaf dessus. Bien que ça ne soit pas interdit de le poser au sol, avec respect, car le sol est pur. Mais, par considération du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jal, on aime à ce qu'il soit surélevé. Donc voici pour la prière de nuit. Est-ce qu'on l'a fait à voix haute? Est-ce qu'on l'a fait à voix basse au début de la nuit, à la fin de la nuit? Cela est au choix. Mais la sunna, c'est de réciter à voix haute, sans déranger ceux qui auraient besoin de dormir. Et la sunna, c'est d'encourager la famille, encourager l'épouse, encourager les enfants à prier avec nous. Encouragez-les. Naam, encouragez-les. Donc voici les questions qui reviennent le plus souvent. Par la suite, celui qui se réveille en état de janaba et le fajr entre et il ne sait pas encore laver, est-ce que son jeûne est valable? Oui, son jeûne est valable. Son jeûne est valable. Naam, il peut même manger, boire, puis aller se laver pour faire la prière du fajr. Donc s'il se réveille en état de janaba, il n'y a pas de problème. Celui qui va aux toilettes et après avoir uriné, il voit des traces, il voit une sortie, par exemple, de sperme. Et il se dit, j'ai annulé mon jeûne. On lui dit non, ça n'est pas cela qui annule. Naam, il n'est pas sorti volontairement, avec plaisir, il n'a pas été recherché, cela n'annule pas le jeûne. Et Inch'Allah ta'ala, dans un prochain cours, on mentionnera les annulatifs du jeûne. On mentionnera les annulatifs du jeûne et on exposera les réponses des savants Mada quant aux questions qui reviennent le plus souvent, comme je l'ai fait ici pour cela. Barakallahu fikum wa faqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa sallallahumma baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afin de s'entraider dans le bien, inshallah ta'ala, tous les soirs à 18h, en fin de journée à 18h, il y aura un cours afin qu'on prenne nos provisions pour réussir le jeûne de ce mois, Inch'Allah ta'ala, tous les soirs à 18h, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Et dans la même lancée, sur la même base, wa ta'awanu al birri wa taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété, on va faire un groupe, Inch'Allah ta'ala, pour se motiver mutuellement pour la lecture du Coran. Selon des niveaux. Le débutant, Naam, il essayera de lire la moitié du Coran. Il essayera de lire la moitié du Coran ainsi que la traduction des sens. Le confirmé, il lira une fois le Coran. Celui qui a un niveau au-dessus, on lui fera un programme pour qu'il lise une fois et demie. Au-dessus, deux fois. Et pour ceux qui lisent bien, avec facilité, on fera un programme, Inch'Allah, pour qu'il lise trois fois, quatre fois. Et le nom d'Allah Azza wa Jal est ininterrompu et c'est le détenteur de l'énorme grâce. En s'entraidant, Inch'Allah ta'ala, on réussira à le lire beaucoup de fois et le méditer. Jazakumullahu khayran wa faqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa sallallahumma baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour celui ou celle qui voudra participer, Inch'Allah, je donnerai l'information durant les cours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.